recevoir quand je suis ici, non? Je dois être une bonne femme, là. Pas les jeunes, pas les jeunes. Je leur dis. La majorité des jeunes, c'est les vieilles. Les noirs. Les noirs, les.